On dit que la nuit porte conseil, je te conseille pas mes nuits. Tu dois de l'oseille à 23h, on te soulèvera après minuit. Faut pas jouer avec les rats, tu sais qu'ils ont la peste. Gangsta même en hesse, une petite lèche à Budapest. On vient pas à test, 6-35 sous le goé vers l'est. Dans le 7-5 c'est le Far West, pourtant le check arrive vers l'est. 19ème, ça sert à rien que la police vienne. Les petits sont tapes d'Olivier Tom, Bicrave, Olive et Bolivienne. Certains touchent le RSA et roulent en RS4. Dur à croire comme voir Iniesta jouer à la JSK. On attend pas d'être millionnaire pour faire la fiesta. Tu peux me croiser au Sofitel avec la mère à DSK. Ça serait Gangsta, mais Rasta fuck Babylone. Voir le drapeau de l'Algérie dans un cop à Boulogne. Mon regard on dit long, donc tous les jours ça pilonne. Pour masquer nos soucis, les yeux rouges, l'autre Pologne. Vite de Gangsta, touche à la famille ou aux amis, on devient vite. Le videur de la deux bois nous bouge, l'entrée on revient vite. Pas les pornos menaces, nous on sourit parce qu'on est vite. On n'est pas né comme ça, mais le quartier nous rend vite. Touche à la famille ou aux amis, on devient vite. Le videur de la deux bois nous bouge, l'entrée on revient vite. Quand les pornos menaces, nous on sourit parce qu'on est vite. On n'est pas né comme ça, mais le quartier nous rend. On a le sens des affaires depuis l'appareil dentaire. Mes frères sont VIP en boîte mais interdit bancaire. De Holna à Nanterre, écoute le son qu'on t'apporte. Ta mère croit que c'est le facteur quand les keufs toquent à ta porte. Ça c'est Gangsta, comme un concert de Sizzla. J'suis pas fashion si j'porte des slims, c'est des Rizzla. Dès que les keufs te visent là, tête sans sommation. Tu connais l'information, force ce pays de franc-maçon. Mais Gangsta, rêve de ciel azur, mais va être bleu marine. Font des soirées nuits blanches mais pas dans les narines. Cousine, tu crois au Cupidon, on cherche la bonne combine. Si t'as un Cupidon, tu seras jamais ma concubine. On s'accroche au jean, on craint le très haut. On est la paix sous un tri, ils veulent qu'on crève sous un préau. J'ai vu le shit à nos verres bouquets, on se tire en trois sous le bouquet. Quand les soucis se frottent à nous, j't'assure c'est pas pour zouker. Souvent le monde d'oseille nous pousse à faire des choses de vite. Le soir son pas le sommeil, j'pense au vraiment en étant vite. Fonder une famille et la briser à cause d'un vite. On n'est pas né comme ça, mais le quartier nous rend vite. Souvent le monde d'oseille nous pousse à faire des choses de vite. Le soir son pas le sommeil, j'pense au vraiment en étant vite. Fonder une famille et la briser à cause d'un vite. On n'est pas né comme ça, mais le quartier nous rend. Allez, retour à Meda, et sans moins de 12 heures. Casse vitrine à Bruxelles pour mes rayons en manque de douceur. Guet-apens par une femme qui t'a demandé de rester. Rafale en sortie de bois juste pour un manque de respect, c'est Gangsta. Et ça, même quand les temps sont calmes, nos couilles c'est comme la drogue, Ray, tout est dans le son calme. Big up au Tounsi, contre Ricard, ton bel Annie. Ce soir c'est Whisky Boga, fait-on le départ de Ben Ali. C'est pour mes gangsters qui font que de changer numéro. Qu'on soit clair, y'a qu'au poste que tu verras numéro. Les plus discrets sont dangereux, ceux qui aboient sont tendres. Gangsta avec une barbe dans un Boeing A330. Il suffit d'une arme à feu pour t'arrêter, baliverne. Dans ce milieu, tu fais le mafieux, voilà que t'atteindras pas l'hiver. Petit frère, prends la peine de réfléchir. Les vrais gangsters sont morts ou prennent une peine à deux fruchis. Touche à la famille ou aux amis, on devient vite. Le videur de la deux bois nous bouge, l'entrée on revient vite. Quand les pornos menacent, nous on sourit parce qu'on est vite. On n'est pas né comme ça, mais le quartier nous rend vite. Touche à la famille ou aux amis, on devient vite. Le videur de la deux bois nous bouge, l'entrée on revient vite. Quand les pornos menacent, nous on sourit parce qu'on est vite. On n'est pas né comme ça, mais le quartier nous rend vite. Souvent le monde d'oseille nous pousse à faire des choses de vite. Le soir son pas le sommeil, j'pense au vraiment en étant vite. Fonder une famille et la briser à cause d'un vite. On n'est pas né comme ça, mais le quartier nous rend vite. Souvent le monde d'oseille nous pousse à faire des choses de vite. Le soir son pas le sommeil, j'pense au vraiment en étant vite. Fonder une famille et la briser à cause d'un vite. On n'est pas né comme ça, mais le quartier nous rend vite. Gangsta.